Paris sur le parquet verni d'un bal du samedi qu'il a pris dans ses bras pour la première fois et qui lui dit je t'aime. Quand il lui a demandé, elle lui a tout donné. Ils avaient fait leur nid sous un toit du quartier pour vivre leur bohème. Et c'est toujours ainsi quand il y a la fête et quand un refrain d'accordéon vous fait tourner la tête. La valse à Mimi, c'est comme la vie. Ça tourne, ça tourne au bal du samedi. La valse à Mimi, c'est comme la terre. Ça tourne à l'endroit, puis ça tourne à la guerre. La valse à Mimi, c'est comme l'amour. Ça tournait trop bien et puis ça tourne court. Mais il faut repartir du bon pied quand on a changé de cavalier pour danser pendant toute la nuit sur la valse à Mimi. Mais les fêtes des faubourgs ne durent pas toujours. À la première pluie finissent les beaux jours. Ils s'en vont, les manèges. Les promesses qu'on faisait se sont vite envolées. Il est parti l'amour des chaudes nuits d'été à la première neige. C'est toujours ainsi à la fin de la fête. Il nous reste un air d'accordéon qui tourne dans la tête. La valse à Mimi, c'est comme la vie. Ça tourne au bal du samedi. La valse à Mimi, c'est comme la ça tourne à l'endroit, puis ça tourne à la guerre. La valse à Mimi, c'est comme l'amour. Ça tournait trop bien, et puis ça tourne court. Mais il faut repartir du bon pied quand on a changé de cavalier pour danser pendant toute la nuit sur la valse à Mimi. La valse à Mimi, c'est comme la vie. Ça tourne, ça tourne au bal du samedi. La valse à Mimi, c'est comme la terre. Ça tourne à l'endroit, puis ça tourne à la guerre. La valse à Mimi, c'est comme l'amour. Ça tournait trop bien et puis ça tourne court. Mais il faut repartir du bon pied quand on a changé de cavalier pour danser pendant toute la nuit sur la balle.